Opération Paperclip, quand des scientifiques nazis travaillent pour les Américains. Une constante traverse toute la politique anglo-saxonne durant la Seconde Guerre mondiale, profiter des bouleversements pour s'emparer de forces, de territoires et des cerveaux disponibles. Après avoir éliminé méthodiquement la puissance française avec catapultes et torches, tenter d'imposer Ango et remodeler la carte de l'influence mondiale, le passage au recyclage des élites ennemies devient presque naturel. L'opération Paperclip n'est donc pas une rupture brutale mais l'aboutissement logique d'années de stratégie où domination et pragmatisme dictent chaque geste. L'enchaînement est saisissant. Catapulte, torche, Ango pose la base, réduire l'influence des alliés fragilisés, consolider des intérêts économiques et imposer l'hégémonie américaine. Ce pragmatisme brutal se révèle encore dans la gestion des territoires libérés, parfois au prix du sang des civils français sous les bombes alliées, 69 000 morts passés sous silence officiel jusqu'aux archives récentes au voir l'enquête. Arrive alors 1945. Les États-Unis et le Royaume-Uni, déjà coutumiers des alliances de circonstances et des arrangements secrets, mettent en place un nouveau plan, récupérer à leur profit la crème de la science et du renseignement nazi. La domination totale a cette fois par les laboratoires et les QG secrets du nouvel ordre mondial, écriront plus tard plusieurs historiens. C'est alors que s'impose Paperclip. De la gestion des vaincus, à l'absorption des élites ennemies. Toutes les archives et témoignages convergent, la transition de la destruction militaire vers le recyclage scientifique ne fut ni hasardeuse ni exceptionnelle. Elle incarnait ce même pragmatisme, ce même esprit de connivence industrielle, observé des catapultes et torches dans le rapport aux alliés puis aux anciens adversaires. Paperclip, en absorbant méthodiquement savants, ingénieurs, spécialistes, parfois directement liés aux pires crimes, parachève une stratégie d'accaparement mondial, dissimulée derrière l'écran de la victoire morale. Les documents déclassifiés et du US National Archive mettent en lumière les complicités, les tractations, et la rapidité avec laquelle les puissances anglo-saxonnes ont su effacer le passé de certains pour mieux dominer le présent scientifique et militaire. 2. Une opération clandestine, une logique assumée. Dans le chaos de l'après-guerre, Washington orchestre l'intégration des meilleurs cerveaux du Reich. Cette entreprise, baptisée Paperclip, démarre alors même que des procès pour crimes contre l'humanité ébranlent Nuremberg. Derrière le rideau, les interrogatoires s'enchaînent. Des centaines de scientifiques nazis sont exfiltrés. Werner von Braun et ses équipes, spécialistes des V2, deviennent les piliers du programme spatial américain. Les dossiers compromettants sont recyclés. Certains changent d'identité, d'autres signent des déclarations d'allégeance. Aucun remords n'entrave la marche de la science et des intérêts stratégiques américains. Les révélations tardives des archives nationales FBI Vault exposent la réalité, des profils SS intègrent les laboratoires avec la bénédiction du haut commandement US. La logique est assumée. Pour battre Moscou dans la course à la technologie et à la domination militaire, tous les moyens sont jugés légitimes. Des experts en balistique, chimie, médecine aéronautique participent, sous l'œil complice du Pentagone, à la modernisation rapide des forces armées et du programme spatial. De nombreux témoignages, collectés par des journalistes comme Linda Hunt ou Annie Jacobson, attestent d'un climat où la mémoire des exactions nazies a soudain au second plan. 3. Réaction, scandale et ambiguïté morale. Les révélations ne tardent pas à soulever l'indignation, mais la machine est déjà lancée. Si la politique officielle prône la dénazification, la réalité du terrain s'y oppose frontalement, la science américaine s'affie désormais sur les talents de l'ennemi d'hier. Le Congrès est informé très tard. Le public, lui, ne découvre l'affaire que des années plus tard, lors de la déclassification de documents ou via des enquêtes menées dans la presse américaine ou National Geographic Histoire. L'ambiguïté morale explose. D'un côté, la conquête spatiale, l'innovation technologique spectaculaire, de l'autre, l'oubli voire l'effacement organisé de la responsabilité et des crimes des ingénieurs nazis. Les responsabilités sont diluées. Officiellement, il s'agit de « sauver l'Occident », mais les familles des victimes restent, pour longtemps, sans réponse et sans justice. Cette double face de Paperclip incarne un cynisme rarement égalé. Les États-Unis gagnent la guerre technologique, au prix d'une mémoire malmenée et d'une justice trop vite sacrifiée aux impératifs stratégiques. 4. Héritage, vérité et fantasme autour de Paperclip. Opération Paperclip demeure auréolée de mystères et de controverses. Le public se passionne pour les récits de savants anonymes, parfois promus héros de la conquête spatiale, tandis que des journalistes d'investigation exhument des détails glaçants. On découvre, au fil des décennies, la participation de ces ingénieurs nazis à l'élaboration des missiles balistiques américains et des programmes top secrets du Pentagone. Les témoignages recueillis dans les commissions d'enquête évoquent des parcours hallucinants, des complicités occultes et une impunité organisée. La justice ferme les yeux, l'histoire officielle balaie les scrupules ont pour la science.fr. Werner von Braun, au centre, entouré de scientifiques allemands intégrés au programme américain, travaillant sur les premiers prototypes de fusées au début des années 1950. L'héritage est double. D'un côté, l'Amérique atteint la Lune, bâtit son arsenal, assoit une suprématie technologique incontestée. De l'autre, les archives FBI Vault révèlent l'étendue des compromissions et des silences imposés aux victimes. Ces vérités dérangeantes alimentent aujourd'hui encore la défiance et les théories du complot sur la main cachée de la guerre froide. 5. Documents, archives et révélations tardives. Les révélations sur Paperclip sont venues par vagues successives. D'abord, dans les années 1970 et 1980, des journalistes américains aidés par quelques anciens fonctionnaires courageux mettent la main sur des dossiers tenus secrets jusqu'alors. On découvre alors des mémos du Pentagone, des rapports de réunion ou des listes de transferts validées au plus haut niveau de l'État. Par exemple, le FBI Vault publie des centaines de pages d'archives, où s'étalent noms, parcours et justifications de l'intégration d'anciens officiels nazis. Des chercheurs comme Linda Hunt, Secret Agenda, 1991, et Annie Jacobson, Opération Paperclip, 2014, réunissent témoignages de première main, lettres, procès-verbaux. Ces documents valident la collusion presque assumée entre intérêt national américain et oubli du passé. Les National Archives compilent aussi les notes sur la traque, la sélection, puis la protection de dizaines de scientifiques pourtant signalés dans les enquêtes de Nuremberg. Cette masse d'archives, lentement déclassifiée, prouve que Paperclip ne fut jamais une opération secrète à la marge de la politique US, mais bien une décision centrale, discutée, assumée et protégée par l'armée comme par les services secrets. 6. Héritiers, conséquences et traces dans la mémoire collective. Les héritiers de Paperclip ont autant la science moderne que la politique internationale. Sans ces transferts, la conquête de la Lune aurait sans doute pris un autre visage, tout comme l'essor rapide des technologies balistiques américaines. Mais la perte pour la morale collective reste immense. Les campagnes de dénazification apparaissent, dès lors, pour ce qu'elles furent souvent, des paravents. Dans la mémoire collective, Paperclip demeure exemplaire de la zone grise en histoire, ce moment où la raison d'État efface le droit. Aujourd'hui, ces vérités dérangeantes nourrissent la méfiance, le doute, parfois les excès des thèses conspirationnistes. Pourtant, elles incitent surtout à questionner, toujours, ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui préfèrent la Terre. 7. Quand l'ombre façonne la puissance. Opération Paperclip symbolise la brutalité et la complexité de l'après-guerre. Sous son vernis technologique, elle trahit le mariage de la science et du cynisme étatique. Les États-Unis, auréolés du prestige de la victoire, n'hésitent pas à effacer les lignes morales pour se doter d'une puissance nouvelle. L'histoire officielle glorifie les savants du programme spatial, mais laisse dans l'ombre ceux qui ont permis, par silence ou calcul, ces transferts controversés. Si Paperclip soulève encore tant de passions, c'est parce qu'elle éclaire d'un jour cru la réalité du pouvoir, la frontière entre ennemis et alliés s'efface toujours quand l'enjeu est mondial. La mémoire collective hésite, doit-on magnifier la conquête spatiale, ou rappeler à quel prix et avec quel renoncement elle s'est bâtie? L'Amérique, forte de ses victoires, sait mieux que quiconque que l'ombre accompagne toujours la lumière. Se souvenir de Paperclip, c'est se donner le droit de douter, de questionner, et, peut-être, de refuser que le secret emporte la justice au nom de la raison d'État. Une constante traverse toute la politique anglo-saxonne durant la Seconde Guerre mondiale, profiter des bouleversements pour s'emparer de forces, de territoires et des cerveaux disponibles. Après avoir éliminé méthodiquement la puissance française avec catapultes et torches, tenter d'imposer Ango et remodeler la carte de l'influence mondiale, le passage au recyclage des élites ennemies devient presque naturel. L'opération Paperclip n'est donc pas une rupture brutale mais l'aboutissement logique d'années de stratégie où domination et pragmatisme dictent chaque geste. L'enchaînement est saisissant. Catapulte, torche, Ango pose la base, réduire l'influence des alliés fragilisés, consolider des intérêts économiques et imposer l'hégémonie américaine. Ce pragmatisme brutal se révèle encore dans la gestion des territoires libérés, parfois au prix du sang des civils français sous les bombes alliées et 69 000 morts passés sous silence officiel jusqu'aux archives récentes au voir l'enquête. Arrive alors 1945. Les États-Unis et le Royaume-Uni, déjà coutumiers des alliances de circonstances et des arrangements secrets, mettent en place un nouveau plan, récupérer à leur profit la crème de la science et du renseignement nazi. La domination totale a cette fois par les laboratoires et les QG secrets du nouvel ordre mondial, écriront plus tard plusieurs historiens. C'est alors que s'impose Paperclip. De la gestion des vaincus à l'absorption des élites ennemies. Toutes les archives et témoignages convergent, la transition de la destruction militaire vers le recyclage scientifique ne fut ni hasardeuse ni exceptionnelle. Elle incarnait ce même pragmatisme, ce même esprit de connivence industrielle, observé des catapultes et torches dans le rapport aux alliés puis aux anciens adversaires. Paperclip, en absorbant méthodiquement savants, ingénieurs, spécialistes, parfois directement liés aux pires crimes, parachève une stratégie d'accaparement mondial, dissimulée derrière l'écran de la victoire morale. Les documents déclassifiés et du US National Archive mettent en lumière les complicités, les tractations, et la rapidité avec laquelle les puissances anglo-saxonnes ont su effacer le passé de certains pour mieux dominer le présent scientifique et militaire. La conquête spatiale, l'intégration de Wernher von Braun et son équipe a permis aux États-Unis de développer les lanceurs Saturn V, aboutissant aux missions Apollo et aux premiers pas de l'homme sur la Lune. Développement des missiles balistiques, des anciens spécialistes nazis ont conçu les premiers missiles intercontinentaux américains, ICBM, changeant la stratégie militaire mondiale. Renforcement de la suprématie technologique américaine, les chercheurs exfiltrés ont boosté la recherche dans l'aéronautique, l'armement et la médecine spatiale. Naissance de la guerre froide scientifique et technologique, Paperclip a accéléré la compétition USA-URSS pour la suprématie militaire dans l'espace et l'armement. Création de la NASA, plusieurs savants Paperclip sont devenus piliers de la NASA, influence déterminante dès sa fondation en 1958. Déploiement de technologies médicales avancées, les techniques de médecine aéronautique et spatiale ont été directement importées dans l'industrie américaine. Transformation de la justice internationale, l'impunité de nombreux ex-nazis a provoqué un débat mondial sur la justice et l'éthique après-guerre. Évolution des services de renseignement, d'anciens experts en cryptographie et renseignement du Reich ont été recrutés par la CIA et la NSA, donnant naissance à des opérations majeures du renseignement moderne. Amplification de la culture du secret gouvernemental, Paperclip a légitimé le secret d'État et la dissimulation de faits sensibles vis-à-vis du public et du Congrès. Débat moral et scepticisme public, le scandale Paperclip crée un précédent, la victoire militaire peut-elle justifier l'effacement de crimes pour servir la puissance ? Cet audio est généré et provient de l'article Opération Paperclip, quand des scientifiques nazis travaillent pour les Américains, qui est à retrouver sur le site internet conspiracte.com. Je vous remercie.